الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع، فنحمده جل وعلا ونسأله التوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بهذا العلم النافع، كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. وبعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، سائلين الله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا وفي علمنا جل جلاله. Donc les frères, on va continuer inshallah sur la lecture de l'introduction d'Ibn Abi Zayd. Donc les frères, vous préférez qu'on, pour les frères, il y avait des frères qui étaient présents, je ne sais pas s'il y a d'autres frères qui n'étaient pas présents les fois dernières, vous préférez qu'on reprenne où on s'était arrêté au dernier cours, ou bien on fait une brève révision comme on a commencé hier du début. Pour que ce soit une révision pour les frères qui ont assisté au premier cours, et pour les frères qui n'ont pas assisté au premier cours, au moins ils puissent savoir les questions qu'on a traitées, et puis ils puissent continuer avec nous, Inch'Allah. Donc vous préférez quoi? Moi je suis ouvert aux deux éventualités. On continue comme hier, donc du début. Donc ce qu'on va faire, comme dans les premiers cours de la Muqaddima, on avait étudié certaines questions, on va les revoir très brièvement, prendre le cœur de certaines paroles de Cheikh Al-Fawzan. Donc pour ceux qui suivent avec le commentaire, puisqu'on s'appuie sur le commentaire de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, pour ceux qui ont le commentaire, vous allez voir qu'on va prendre certains passages et avancer. Taïb. Donc hier on s'est arrêté, donc on est toujours au début, et on était arrivé à la parole, et on avait conclu avec ça, lorsque l'auteur dit لا يبلغ كنه صفاته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون ويعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. Donc l'auteur dit, comme on avait conclu hier sur la parole, et on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs, toujours une traduction rapprochée, approximative, et on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs, c'est-à-dire les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ni englober par la réflexion ce qui le concerne. Ce qui concerne Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui réfléchissent tirent leçon de ses signes et ne méditent pas sur la nature de son essence. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une parole très pertinente de l'auteur, Ibn Abi Zayd. Hada imam, c'est un grand imam. Et là, ces paroles-là prouvent son savoir et sa science dans le domaine de la croyance. Dans le domaine de la croyance. Donc regardez, il dit « La yablaghu kunha sifatihi al-wasifun wa la yuhitu bi amrihi al-mutafakkirun » comme on avait dit. Et ni englober par la réflexion ce qui le concerne. C'est pour cela que Cheikh Al-Fawzan, dans son commentaire, il dit d'une manière très pertinente que celui qui veut réfléchir et réflexionner, méditer, alors lui, celui qui veut méditer sur Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il médite sur ses signes, subhanahu wa ta'ala. Qu'il n'essaye pas de réfléchir sur le comment de ses attributs, sur comment Allah jalla wa ala, la manière dont il accomplit ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas méditer cela ou réfléchir sur cela. Le sens, on le connaît. C'est par exemple, comme on avait dit dans un attribut connu, l'attribut de Al-Istiwa, le fait qu'Allah s'est établi, s'est élevé au-dessus de son trône. Allah s'est établi au-dessus de son trône, Al-Istiwa, le sens est connu. Donc, le fait de connaître son sens, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ Allah Jalla wa Ala nous a informé à son sujet qu'il s'est établi, élevé au-dessus de son trône. Et le terme qui est mentionné dans le Coran, ce terme en langue arabe, c'est une langue arabe claire, explicite et évidente. Allah a révélé ce livre, a descendu ce livre d'une langue claire, évidente et explicite, que les Arabes comprennent. Donc le sens est connu. Maintenant, le comment, la manière dont Allah Jalla wa Ala s'est établi, s'est élevé au-dessus de son trône, hadha wallahu a'lam. Là, on ne réfléchit pas sur cela. Pourquoi ? Regardez ce que dit l'auteur. On ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs, ni englober par la réflexion ce qui le concerne. Vous pourrez réfléchir, mais comment Allah Jalla wa Ala s'est élevé au-dessus de son trône, wallahu a'lam. Al-ma'na ma'loum, wal-kayf majhoul. Donc si on veut réfléchir sur notre Seigneur, si on veut méditer, alors là il faut méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je traduis les signes al-ayat. Regardez, Shir, qu'est-ce qu'il nous dit ? Une très belle parole de Shir al-Fawzan. Il nous dit التفكر في الله أن تتفكر في آيات الله. Donc réfléchir au sujet d'Allah, si tu veux réfléchir, تريد أن تتفكر في الله جل وعلا. Le Cheikh ici nous enseigne, qu'est-ce qu'il nous dit? تفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. Réfléchis sur les signes d'Allah سبحانه وتعالى. Maintenant, les signes d'Allah se composent, se divisent en signes universel, comme on avait dit, ce qu'on appelle l'ayat al-kawniya ou l'ayat al-shara'iyya. Donc il y a des signes qui sont universels et il y a des signes qui sont ce qu'on appelle des signes légiférés. Des signes légiférés. Par exemple, les signes universels, le fait de méditer, d'observer ce monde. Lorsque la personne, on avait dit, observe la création d'Allah, tout cela indique l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Fawzan aussi nous dit, par exemple, méditer, réfléchir sur al-ayat, les signes coraniques. Si on peut dire comme ça. En arabe, il dit al-qur'aniyya, les signes coraniques. C'est-à-dire réfléchir, méditer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, l'individu, le musulman, va accorder plus de profit, il va réussir. Et là, il aura du profit lorsqu'il va méditer ce qu'il faut méditer et lorsqu'il va réfléchir sur ce qu'il faut réfléchir. Mais si il essaye de réflexionner, méditer sur le comment des attributs, la manière dont Allah Jalla wa Ala parle ou s'est élevé au-dessus de son trône, alors cette réflexion, comme dit Shir ici, n'est pas permise. Wadah al-kalam, vous comprenez ? Et Shir ensuite va on avait conclu sur ça hier, lorsqu'il dit que par exemple celui qui va méditer par exemple observer la terre, observer par exemple les mers, les océans, les arbres, les fleuves, tout ce qui fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dit que tous ces signes là indiquent l'existence de ce créateur subhanahu wa ta'ala. Et là, ensuite, Shir al-Fawzan va mentionner un poème, un très beau poème. Regardez ce qu'il dit. C'est un très beau poème en langue arabe. Faya ajaba. Faya ajaba. Kayfa yu'sa al-ilahu? Am kayfa yajhaduhu al-jahidu? Fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu 'ala annahu wahidu. C'est un très beau poème en deux vers. En deux vers pour ceux qui veulent le mémoriser. C'est deux vers qui sont très simples à mémoriser. Et une grande exhortation, des beaux sens. Faya ajaba kayfa yu'sa al-ilahu am kayfa yajhaduhu al-jahidu fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu 'ala annahu wahidu. Tadullu 'ala annahu wahidu. Donc je vais essayer de vous le traduire de manière approchée, le vers. Faya ajaba. Quel étonnement. Quelle étonnante l'affaire. Kayfa yu'sa al-ilahu? Comment ce Seigneur-là, l'adoré véritable, peut-il être désobéi? L'auteur du vers dit Faya ajaba. Que cela est étonnant. Kayfa yu'sa al-ilahu? Kayfa yu'sa al-ilahu? Comment ce Seigneur-là peut être désobéi? Am kayfa yashhaduhu al-jahidu? Ou bien, comment peuvent-ils renier ceux qui renient? Donc ça, c'est le premier vers. Ou bien, comment peuvent-ils renier ceux qui renient? Fi kulli shay'in lahu ayatun. Vous allez voir pourquoi l'auteur de ce vers, il dit ça. Vous allez, maintenant, il va nous dire la cause, pourquoi il s'étonne. Lorsqu'il dit, faya ajaba. Comment, oh, c'est très étonnant. Comment ce Seigneur-là peut-il être désobéi? Et comment ceux qui le renient peuvent-ils le renier? Il va donner la raison. Pourquoi il s'étonne de cela? Parce qu'il dit fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu 'ala annahu wahidu. Parce qu'il dit en toute chose dans ce monde, en toute chose, il y a des signes qui prouvent qu'il est celui qui est unique. En toute chose. En toute chose. Si vous observez la terre, la création, les plantes, la végétation, les arbres, vous observez vous-même, en toute chose, il y a des signes qui prouvent qu'Allah Jalla wa Ala huwa al-wahidu. Huwa al-wahidu. Et ce qui est pertinent dans ce vers que mentionne Cheikh Al-Fawzan, c'est que après que l'auteur du vers montre son étonnement, proclame son étonnement, il nous dit la raison. La raison est très pertinente. Donc je vous le répète pour ceux qui veulent l'écrire, et le mémoriser. Faya ajabu kayfa yu'sa al-ilahu am kayfa yashhaduhu al-jahidu fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu 'ala annahu wahidu. Kada tatafakkar fi ayati Allah al-Qur'aniyya bima'na an tatadabbaraha wa tata'ammal ma'naha wa tafsiraha amma an tatafakkar fi kayfiyyati anna Allah takallama bil-Qur'an. Est-ce que vous nous expliquez, Cheikh Al-Fawzan? Il va nous expliquer que ce qu'il faut méditer, et si on veut réfléchir sur quelque chose, c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Sur la création d'Allah. Sur les signes universels, comme on a dit, al-ayat al-kawniya, ou bien sur les signes légiférés religieux, comme les versets d'Allah dans le Coran, ou autre. Mais pas réfléchir sur comment Allah s'est-il élevé au-dessus de son trône. Comment Allah parle. Comment Allah, Jalla wa Ala, entend. Comment est-ce qu'Allah, Jalla wa Ala, voit. C'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. À présent, avec l'explication de Cheikh ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhallah, maintenant on comprend maintenant la parole de l'auteur qui lui, vous avez vu hein, toute cette explication, pour expliquer en arabe des paroles très courtes, on comprend maintenant ce que l'auteur veut dire. Regardez, ça date des premiers siècles, hein, cet écrit-là. Lorsqu'il dit, on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs, ni englober par la réflexion, ce qui le concerne, ceux qui réfléchissent tirent le son de ses signes et ne méditent pas sur la nature de son essence. Subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu l'auteur qui dit, ceux qui réfléchissent, ils vont tirer le son de quoi? De ses signes. Ces signes, qu'ils soient universels ou bien qu'ils soient religieux, et ne méditent pas sur la nature de son essence. Et ça, cette notion qui peut paraître simple et aisée, et même logique, eh bien, cette chose simple, c'est ce qu'il faut rappeler au négateur des attributs. C'est ce qu'il faut leur rappeler. Lorsqu'il polémique sur Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils polémiquent sur l'essence même d'Allah, dites-leur, ne médite pas sur l'essence même d'Allah, tu ne pourras jamais englober et cerner, comme dit l'auteur, et décrire la spécificité de ses attributs. Ta réflexion n'est que perte de temps. Mais réfléchis sur la création d'Allah, sur ta création, et tu verras que cela va te mener à savoir qu'il y a un Seigneur unique, subhanahu wa ta'ala. Et en plus, Cheikh Fawzan nous fait un rappel en nous disant un verset, lorsque dans Sourate An-Nisa, le verset 113, Allah nous dit, il dit au prophète, « Wa'allamaka ma lam takun ta'lam » Allah est celui qui a dit au prophète, « Il est celui qui t'a enseigné ce que tu ne savais pas, subhanahu wa ta'ala. » Allah est celui qui a enseigné au prophète et aux hommes ce qu'ils ne savaient pas. Donc, ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a donné comme science, nous le prenons. Ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a pas permis d'enfreindre. Il y a des enclos qu'Allah Jalla wa'ala nous a défendu d'enfreindre. Il ne faut pas enfreindre ces enclos. Ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a donné comme savoir, nous l'apprenons. Sinon, on n'enfreint pas les enclos interdits. Et dans un verset, Allah nous dit, dans Sourate Al-Isra, le verset 85, « وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » Il vous a certes été octroyé comme savoir et science une part minime. Une part minime. Toute cette science, ce savoir que vous pouvez voir, qu'Allah Jalla wa'ala a permis à l'homme d'acquérir et d'y accéder, c'est qu'une part minime de la science et du savoir. Et ça, dans ce verset, il y a une grande faïda. Une grande faïda. C'est pour ça que Allah dit, yata'allam al-ilm, celui qui apprend la science et qui a atteint un haut niveau de science, qui pense avoir atteint un haut niveau de science, lui ne fera que preuve de modestie lorsqu'il sait que de toute manière, ce qui nous a été octroyé comme science n'est que minime par rapport au savoir. C'est une part minime et infime par rapport à ilm. « وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » Allah nous dit cela. Donc ça ne sert à rien de s'enorgueillir et de penser qu'on est meilleur que les autres et qu'on a atteint un haut niveau de science. Naam, la personne peut atteindre un haut niveau de science par rapport à cette science infime qui a été octroyée aux hommes. Taïb, nous on continue. Ensuite l'auteur donc, il dit, ils ne peuvent embrasser de sa science que ce qu'il veut. Maintenant, l'auteur nous enseigne quelque chose d'important, et ça, il le tire du Coran, c'est Allah lui-même qui le dit, « وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ » Et ça rejoint ce qu'on vient de dire, « Ils ne peuvent embrasser de sa science que ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. » Son siège, ils ont traduit, c'est « Al-Kursi », « Al-Kursi » s'étend sur plus que les cieux et la terre, dont la préservation sur plus que les cieux et la terre, dont la préservation n'est en rien pesant pour lui. Ils vont traduire ici les noms qui sont mentionnés ici. Je vais rester sur l'arabe. Wa huwa al-Ali, le Très-Haut, wal-Azim, wal-Alam, wal-Khabir, wal-Mudabbir, wal-Qadir, wal-Sami' wal-Basir, wal-Ali wal-Kabir. وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ بِعِلْمِهِ. Ensuite l'auteur, après avoir mentionné cela, il dit, donc Allah Jalla wa'ala, après avoir cité ces noms que je viens de vous mentionner en arabe, il dit, il est par son essence sur son trône glorieux et par sa science en tout lieu. En tout lieu. Il a créé l'homme, c'est ce que son âme lui suggère et se trouve plus près de lui que sa veine jugulaire. Que sa veine jugulaire. Donc là, on a compris par rapport à ces passages que l'auteur soulève une question qu'on avait traitée, la question de l'istiwa, le fait qu'Allah s'est établi élevé au-dessus de son trône. À savoir d'abord, avant de parler du arche, du trône, l'auteur a cité Ayat al-Kursi, a cité le verset Ayat al-Kursi. Et à savoir que al-Kursi est créé. Al-Kursi, makhluq. Al-Kursi est créé. Wa huwa taht al-arsh. Il est sous le trône. Sous le trône. Pourquoi ? Parce que al-arsh, le trône est plus immense que le kursi. Et wal-kursi wasi'a as-samawati wal-ard, fa kayfa yakun al-arsh. Et si le kursi s'étend plus que les cieux et la terre, son étendue est plus grande que les cieux et la terre, ça c'est pour le kursi, alors Cheikh Al-Fawzan nous dit quel est le cas du trône. Alors, et à savoir dans des récits, il nous est rapporté que les sept cieux comparés au kursi, les sept cieux comparés au kursi, ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert. Un anneau de fer jeté dans le désert. Donc ça, c'est si on compare les sept cieux, l'étendue des sept cieux. Et quelle est l'étendue des sept cieux ? Si on compare juste au kursi, on ne parle pas du trône, au kursi. Si on veut comparer le kursi aux sept cieux, dans un récit, il nous est rapporté que alors les sept cieux sont comparables à un anneau de fer qu'on jette dans le désert. Alors c'est comme si on comprendrait que les sept cieux, malgré leur étendue et leur immense création, ne sont qu'infimes par rapport, son étendue est infime par rapport à l'étendue du Al-Kursi. Al-Kursi. Et dans le récit, il nous est dit, et la grandeur du trône par rapport au Kursi est comme celle de ce désert par rapport à l'anneau de fer. Et la grandeur du trône, maintenant, par rapport au Kursi, est comme celle de ce désert par rapport à l'anneau de fer. Subhanallah. Donc juste, vous méditez ça, et ça, ça va vous faire un rappel sur la grandeur et l'immensité de votre Seigneur, Subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des notions très importantes. C'est pour ça que l'auteur souligne cela. C'est pour ça que la croyance est quelque chose de très important. Qui est-ce qu'on adore ? Ben, on adore le Seigneur de ce trône. Celui qui a créé ce trône. Celui qui s'est établi sur ce trône. Et Allah nous donne des enseignements sur ce trône. Et ces enseignements-là nous prouvent la grandeur et l'immensité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Taïb. C'est pour ça que les questions de croyance, de aqida, sont très importantes pour la vie du musulman et de la musulmane. Pour la vie des cœurs. Lorsqu'on adore Allah, bi aqidatin salima, salima, avec une croyance pure et saine, alors le croyant va se sentir apaisé. Et là, de là, les adorations du cœur, comme la rémission, la pleine confiance en Allah, la crainte d'Allah, la peur du Seigneur, la révérence, la crainte révérentielle, et toutes ces formes d'adoration vont s'intensifier dans le cœur du croyant, dans le cœur du croyant. Et avec cette bonne croyance-là, on peut atteindre le degré de l'ihsan. Adorer Allah comme si tu le voyais, et certes si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Sache que lui te voit. Sauf que, beaucoup de jeunes ont accordé un grand souci, c'est bon, c'est bien, c'est louable, un grand souci à la croyance, un grand souci à la croyance, mais ont délaissé le domaine du comportement et le domaine de l'éthique. Et à son époque, c'est pour ça qu'il faut toujours se faire ce rappel, lorsqu'on apprend l'aqida, l'aqida de nos pieux prédécesseurs, il ne faut pas négliger un autre domaine. Et à son époque, Cheikh Al-Albani disait une très belle parole. Cheikh Al-Albani disait, une très belle parole qui est rapportée de lui, il disait, peut-être qu'une personne, il est sur la croyance des pieux prédécesseurs, mais peut-être, qu'il, je vais vous le dire en termes plus clair. Il dit peut-être qu'une personne est salafi dans la aqida, mais n'est pas salafi dans l'éducation et l'éthique. Il n'a pas une éducation venant des pieux prédécesseurs, ou prise, ou celle comme des pieux prédécesseurs, ni son éducation, ni son éthique, c'est l'éthique des salafs. Et ça, ça rappelle à se faire. Et là, on comprend que ce n'est pas parce qu'on apprend la aqida, et on est sur une bonne croyance, c'est quelque chose d'important, d'immense, mais ça ne veut pas dire qu'ensuite, on est sur une bonne éducation, une bonne éthique, souluk, ou l'adab, il faut faire un travail sur cela. Thumma qala Cheikh al-Fawzan, pour qu'on puisse avancer sur notre révision. Donc l'auteur, comme vous avez vu, va parler de cette question très importante, cet attribut très important parmi les attributs d'Allah, le fait qu'Allah Jalla wa Ala est élevé au-dessus de son trône. فَلِسْتِوَى صِفَةٌ فِعْلِيَّ يَفْعَلُهُ اللَّهُ مَتَ شَاءَ. Et Al-Istiwa, cet attribut qu'on appelle en langue arabe Al-Istiwa, les savants nous expliquent, nous enseignent, c'est un attribut qu'on appelle Sifatun Fi'aliya. C'est un attribut d'action. C'est un attribut d'action. Pourquoi ? Parce que comme on avait appris, il y a des attributs qu'on nomme Sifatun Zatiya ou Sifatun Fi'aliya. Il y a des attributs qui sont des attributs d'essence, et il y a des attributs qui sont des attributs d'action. Et l'attribut de l'élévation, c'est un attribut d'action. L'attribut d'action, c'est-à-dire, comme Cheikh ici nous donne sa règle, يَفْعَلُهُ اللَّهُ مَتَشَى. Allah le fait quand il le veut. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Cheikh souligne qu'Allah Jalla wa Ala huwa Al-Ali. Il a le nom de Al-Ali. Al-Ali, c'est celui qui est le très haut. Celui qui est le très haut. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes ses créatures, de toute sa création. Rien n'est au-dessus de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait qu'Allah ait le nom, Al-Ali. Chaque nom, on avait dit, sous-entend un attribut. Chaque nom sous-entend un attribut. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, a l'attribut de l'élévation. L'attribut de l'élévation. Allah est élevé au-dessus de toute chose. L'attribut de l'élévation, lui, par exemple, c'est un attribut d'essence. Allah est élevé au-dessus de toute chose. Et qu'on le shir, amma al-ulu, ce qu'on appelle sifatul ulu, et donc faire la distinction avec sifatul istiwa. Al-istiwa, c'est l'attribut du fait qu'Allah s'est établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, et s'est élevé au-dessus de son trône. Et l'attribut de l'élévation, c'est le fait qu'Allah Jalla wa Ala est élevé au-dessus de toute chose, au-dessus de toute sa création. Cette élévation-là, Allah est constamment élevé. C'est pour ça que c'est un attribut d'essence. Subhanahu wa ta'ala. Comme il dit, أَمَّا الْعُلُوْ فَهُوَ صِفَةٌ ذَاتِيَّ لَا تَنْفَكُ عَنْ لَا تَنْفَكُ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وجاء لفظ استوى أو استوى على العرش في سبعة مواضع من القرآن. Et donc vous avez fait la distinction entre l'attribut de l'élévation et l'attribut de l'établissement sur le trône. Et Chérissi nous dit ensuite, et le fait que Allah Jalla wa Ala nous a enseigné qu'il s'est élevé au-dessus de son trône est mentionné dans sept passages du Coran. Dans sept passages du Coran. Et le sens de Al-Istiwa, on avait dit, les savants, lorsqu'ils expliquent le sens de Istiwa, ils nous expliquent cela avec quatre termes. Quatre termes. Ay, fi ma'na lafz Al-Istiwa. Arba tafsirat. Quatre explications. Retenez bien cela, les quatre explications du mot Al-Istiwa. Alors, les quatre explications, on a le bimarna. Al-istiwa est dans le sens de, premièrement, istaqarra وعلى وارتفع وصعد صعود. Vous avez vu quatre sens, quatre tafsirat, quatre tafsirs, si vous voulez. Même ma'na l'istiwa, l'istiwa bima'na istaqarra wa ala wa irtafa'a wa sa'ada wa sa'uda. Bi khilaf tafsirat al-mu'attila. Contrairement aux explications, aux interprétations des négateurs des attributs. فالجهميه ينكرون العلو وينكرون الاستواء فيقولون الله في كل مكان حتى في امكنه القاذورات والحمامات لا ينزهونه سبحانه وتعالى فهم ينكرون العلو لله جل وعلا يقولون هو في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Il dit contrairement aux négateurs. Vous savez, ces tendances innovatrices qui ont émergé ensuite dans le monde musulman. Et c'est pour cela qu'il faut se prémunir. Il faut se préserver. Shaitan ne laissera jamais l'individu. Il te laissera jamais. Et Shaitan exploite l'ignorance des individus. Plus l'individu est connaisseur, plus il est difficile pour Shaitan de l'égarer. Mais malgré cela, il va ruser et comploter contre lui. Mais plus l'individu a du savoir et du ilm sur sa religion, plus il connaît son Seigneur, plus la tâche va être difficile pour Iblis. D'où l'importance d'apprendre. Mais lorsque personne n'est ignorante, Iblis exploite cette ignorance de l'individu. Regardez par exemple une histoire qui est rapportée. Un talib al-ilm, un étudiant. Un étudiant qui insistait au cercle de science auprès d'un shir. Un jour, shir avait l'habitude que cet étudiant était dans ses assises. Et un jour, shir ne l'a pas vu aux assises, alors qu'il était assidu. C'était un talib al-ilm qui était assidu. Et un jour, voire plusieurs jours, le shir ne voyait plus cet étudiant. Alors un jour, Shir parti rendre visite à son élève, lui rend visite, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne te vois plus aux assises, je ne te vois plus au cours. Et l'élève lui dit, tu sais, moi je venais au cours, chez toi, je venais au cours parce que moi je voulais le paradis. Moi je venais pour le paradis. Et maintenant je l'ai eu le paradis. Shir dit, Naam, tu as eu le paradis? Il dit, Naam, ça je suis allé au paradis. Donc j'ai plus besoin des cours. Alors, et l'histoire est rapportée par Cheikh Issam Temia, et Cheikh Issam Temia la raconte. Alors Cheikh dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai un ange qui vient le soir, un ange vient à moi et m'emmène au paradis. Cheikh dit, subhanallah. L'ange vient et t'emmène au paradis. Il dit, naam, taïb. Il dit, un soir, alors, je viens, le Cheikh dit, et moi, je veux aller au paradis avec vous. Alors, le soir, un soir, Shir vient. Et lorsque celui qui est pour l'élève, l'ange, vient, alors l'élève lui demande de prendre son Shir avec eux. Ce qu'il fit. Donc ensuite, ils s'en allèrent. Il prit l'élève et le shir, et s'en allèrent. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans des jardins. Avec une apparence que c'est le paradis. Donc ils ont passé la nuit dans ces jardins, dans ce que on pourrait croire que c'est le paradis. Et arrive à la fin de la nuit, donc, ce soi-disant ange vient les chercher comme c'est à l'habitude. Après la nuit, vient les chercher comme c'est à l'habitude et ramène l'élève. Quand ce soi-disant ange, dans certaines versions, il est dit que c'est une sorte de grand oiseau, avec des grandes ailes, vient à la fin de la nuit, avant le lever de l'aurore, vient pour les récupérer. Alors l'élève, sans se préparer pour partir avec le soi-disant ange, et là, il dit au shir, allez, viens, on doit s'en aller maintenant. Et le shir dit, bah non, une fois que je suis rentré au paradis, moi je n'y sors plus. Ça y est, on arrive au paradis. Il dit, pourquoi tu veux que j'y sorte du paradis? Alors là, je dis, non, tu dois venir. Et là, il est rapporté que cette espèce de grand oiseau, cette espèce de grande bête, commençait à battre des ailes jusqu'à ce que l'aurore s'est levée, le jour s'est levé, et ils ont vu qu'en réalité, ils étaient dans une décharge publique. En vérité, c'était une décharge publique qui lui avait été embellie. Et là, le shir dit à l'élève, c'était un djinn. C'était un djinn qui te prenait le soin un shaitan, mais ce n'était pas un ange. C'était pas un ange. C'est un exemple. L'élève s'est fait leurrer. S'est fait leurrer, trompé. Le djinn a exploité son ignorance. Exploité son ignorance. C'est comme l'histoire qui est rapportée de Abdelkader el-Jilani. Abdelkader el-Jilani. Qui faisait partie des grands savants de notre communauté. Et Abdelkader el-Jilani dit, un soir, il a vu une lumière resplendissante avec un trône immense, et une voix qui lui dit, « Ya Abdelkader, aujourd'hui toutes les obligations ne sont plus obligations pour toi. Toutes les prescriptions, ce ne sont plus prescriptions pour toi. » Et tous les interdits ne sont plus interdits pour toi. Vous savez, comme les élites des confréries, arrivé à un moment, l'élite, le shir suprême, arrête d'observer les obligations, les adorations, arrête d'adorer, et il peut se permettre toutes les interdictions. Et lui, Abdelkader el-Jilani, ensuite il a rapporté dans l'histoire, il dit, « Va-t'en, ya adou Allah, va-t'en, ennemi d'Allah, ya shaitan. » Et ensuite, cette lumière s'en alla et disparaît ça. Lorsqu'il racontait cette histoire à ses élèves disent, comment tu savais que c'était un démon, c'était un shaitan? Il leur répondit, lorsque j'ai appris que la législation d'Allah ne pourra jamais être abrogée. Il a crié à Messar. Les adorations sont adorations. Il a crié à Messar, la prière était légiférée. La prière ne sera jamais abrogée. Le jeûne du Ramadan ne sera jamais abrogé. La zakat ne sera jamais abrogée. Après, les personnes peuvent se donner autant d'excuses qu'ils veulent. Mais ce sont des prescriptions, des piliers de l'islam, des obligations qu'il faut observer. Ils ne seront jamais abrogés. Quiconque peut apparaître dans tes rêves, dans tes songes, te disant qu'aujourd'hui pour toi, c'est bon, là. Ouais, Dabilaim, ça c'est des exemples qu'on donne. Donc, le shaitan utilise et exploite l'ignorance des gens. Plus l'individu a du ilm, plus la tâche devient difficile à shaitan, devient difficile à Iblis. Taïb. Donc, on avait dit le sens de l'istiwa, quatre sens. On répète. Qu'est-ce qu'il veut les répéter? Même ma'na l'istiwa, quel est le sens de l'istiwa? Istaqarra, naam, istaqarra, c'est le fait de s'établir, sens relatif. Thumma ala, c'est le fait de s'élever. On avait dit aussi, irtafa'a aussi, le sens de s'élever, wa sa'uda, c'est les quatre sens. Et ça, vous pouvez retrouver ces explications-là, dans des livres anciens, les explications-là de nos pieux prédécesseurs. Mais on avait dit, seuls les négateurs des attributs ont renié cela. Taïb. L'auteur a signé, ou plutôt a souligné, ensuite, et Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé. Donc, il est par son essence sur son trône glorieux et par sa science en tout lieu. À ne pas confondre avec la croyance des négateurs ou de ceux qui ont fait ce qu'on appelle al-mu'awila, ceux qui ont interprété, qui ont dit Allah fait kulli makan, Allah est en tout lieu. Lorsqu'ils ont dit Allah est en tout lieu, c'est pour éviter de dire qu'Allah était établi au-dessus et élevé au-dessus de son trône. Il va au-dessus de son trône. Donc ils ont dit Allah Jalla wa Ala est en tout lieu. Aqidat Ahli Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire qu'Allah est en tout lieu. Regardez, comme dit l'auteur ici. Et par son essence sur son trône glorieux et par sa science en tout lieu. Allah cerne tout de sa science. Rien ne lui échappe. Subhanahu wa ta'ala. Allah est en tout lieu par son essence. Subhanahu wa ta'ala. Par sa science, Arsène. Par sa science. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur dit, il a créé l'homme. Et c'est très pertinent, la classe de l'ordre. Après qu'il nous dit qu'Allah est en tout lieu par sa science, il nous dit, et Allah a créé l'homme, et c'est ce que son âme lui suggère. Tout ce que l'âme suggère à l'homme, Allah le sait, subhanahu wa ta'ala. Allah est proche de nous, subhanahu wa ta'ala. Il entend toutes nos paroles, que ce soit nos paroles en secret, nos assises secrètes, nos confidences, par exemple, que ce soit les paroles plus audibles, etc. Allah subhanahu wa ta'ala entend tout. Jusqu'à même Allah jalla wa ala entend ce que ton âme te suggère. Allah est proche de ses serviteurs. Et de là le shir dit, il se trouve plus près de lui que sa veine jugulaire. Que sa veine jugulaire. Et là, bien sûr, il fait référence au verset dans Sourate Qaf. Dans Sourate Qaf, lorsqu'Allah dit qu'il a créé l'homme, وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah le dit qu'il a certes créé l'homme, et dans le verset, Allah dit, et il a connaissance, il sait ce que son âme lui suggère, et il se trouve plus près de lui que sa veine jugulaire. Que sa veine jugulaire. Donc l'auteur ici a fait référence au verset. Et ça, ça dénote aussi l'immensité de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le musulman, plus il connaît son Seigneur, plus il va le craindre. Subhanahu wa ta'ala. Plus il connaît son Seigneur, plus il va le craindre. Lorsqu'il sait qu'Allah jalla wa ala entend toutes ses paroles, jusqu'à même qu'Allah jalla wa ala sait ce que lui suggère son âme. Alors quel est le cas lorsqu'il parle? Et de plus, même dans Sourate Qaf, par exemple, après la mention de ce verset, Allah dit « Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid » Il ne prononce aucune parole, une traduction relative du verset, sans qu'il ait à ses côtés un observateur bien déterminé ou prédisposé ici. Un observateur, c'est-à-dire des scribes qui inscrivent tout, toutes ces paroles, toutes ces paroles. Alors, quel est le cas lorsque la personne marche bin namima? Il sème la corruption avec des paroles. Il fait namima. Ou bien le riba, la calomnie, la médisance, le mensonge, le faux témoignage, etc. Toutes ces mauvaises paroles sont inscrites. Sont inscrites. C'est pour cela que le musulman doit se préserver de tous ces fléaux. Ce sont des fléaux qu'on appelle les fléaux de la langue. Les fléaux de la langue. Il y a même un grand savant qui disait que beaucoup de corruption que vous voyez sur terre, beaucoup de désordre que vous voyez sur terre, dans certains pays des guerres, et ils disent que la base de l'émergence de ces conflits, de ces guerres, de l'effusion de sang, ils disent c'est le riba ou le namima. La calomnie et la diffamation. Des paroles qui ont commencé, des personnes qui ont commencé à diffuser, des paroles à calomnier, à diffamer. Ouais, Akada. Vous voulez qu'on s'arrête là? Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Parce qu'après, on a le deuxième livre. Donc, on avait dit toujours, on laisse une pause de 5 minutes. 5 minutes, ensuite, on étudie un deuxième livre. Vous voulez qu'on continue quelques minutes, après, on fait une pause pour le deuxième livre? Ou vous préférez faire la pause maintenant? Taïeb. Ensuite, vous avez vu, hein, j'avance hein, brièvement, on va dire en quelque sorte, on survole un peu les questions. Ensuite, l'auteur dit, et il n'est pas de feuille qui tombe dont il n'ait connaissance, ni de graines à l'intérieur des ténèbres de la terre, ni de pousses, ni de végétal, dure qui ne soit consignée dans un livre explicite. Il est sur le trône et domine son royaume. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des paroles immenses que mentionne l'auteur ici. Donc il dit, le matn, وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلِ الْوَرِيدِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى لَمْ يَزَلْ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة كلم موسى بكلامه الذي هو صفات ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى. Donc là, ce que je vous ai lu, c'est le matin. Donc l'auteur dit, on a dit précédemment, il n'y a pas de feuilles qui tombe, dont il n'est connaissance. Ni de graines à l'intérieur des ténèbres de la terre, ni de pousses, ni de végétales dures, qui ne soient consignées dans un livre explicite. Il est sur le trône et domine son royaume. Subhanahu wa ta'ala. Al-Kitab, lorsqu'il dit qu'il soit consigné dans un livre explicite, c'est-à-dire, il n'y a pas de végétal, par exemple. Voilà, en arabe, ce qui est mentionné, voilà habba, ni de grain, fi dhulumat al-ard. Voilà ratbin, voilà yabis, illa fi kitabin mubin. Illa fi kitabin mubin. En référence, au verset dans Surat al-An'am, si je me trompe pas. Surat al-An'am. Et, donc là, al-kitab al-mubin. C'est quoi ce livre explicite qui est sous-entendu ici? Al-Shikh nous dit, ou al-Lawh al-Mahfouz. Cheikh Fazan nous dit, c'est al-Lawh al-Mahfouz, qu'on traduit par le livre explicite, la table bien gardée, où est consignée toute chose. Al-Azi kutibat fihi maqadir al-khala'iq ba'd ilmillahi jalla wa ala biha, faqad alimaha awalan thumma katabaha thaniyan, li'anna maratib al-iman bil-qada'i wal-qadam arba'a. Toute chose, avant même la création et des cieux, avant qu'Allah crée les cieux et la terre, toute chose a été consignée, inscrite, toute chose. Tout ce qui va se passer dans ce royaume et qui se produit dans ce royaume, tout a été inscrit et écrit. Dans la table bien gardée, ce qu'on appelle Lawh al-Mahfouz, tout a été consigné dans un livre. Tout a été consigné dans ce livre. Donc Allah Jalla wa Ala à la connaissance infinie. Avant même que les choses se produisent, Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. Subhanahu wa ta'ala. Pour cela, du fait qu'Allah en a la connaissance, ensuite, toutes ces choses qui vont se produire, Allah Jalla wa Ala, a fait que toutes ces choses soient consignées. Fi lawhil mahfouz. C'est pour cela, pour croire en la prédestinée, on avait dit au qadr, il faut croire aux quatre maratib, les quatre maratib. Croire en la science, l'ilm, ou le kitab, ou le mashi'a, ou le khalq. Pour la croyance au qadr, tourne autour de ces quatre fondamentaux, si on peut appeler ça, fondamentaux ou degrés. On ne peut pas avoir une bonne croyance au destin, sans croire en ces quatre choses. Ilmullah, science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa al-kitaba wa al-mashi'a wa al-khalq. Donc la science d'Allah infinie, ensuite, comme on a dit précédemment, wa al-kitaba. Tout a été consigné. Votre vie, ce qui va se passer, ce qui va se produire, tout est inscrit. Tout est écrit, tout a été consigné parce qu'Allah Jalla wa Ala en a la connaissance subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, regardez, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de feuilles qui tombent, dont il n'est connaissance, ni de graines à l'intérieur des ténèbres de la terre, ni de pousses, c'est-à-dire, ni de végétal dur qui soit consigné dans un livre explicite. Et Allah est sur le trône et domine son royaume, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur dit, et Allah, Jalla wa ala, possède les noms les plus beaux et les attributs les plus sublimes, et ne cesse d'avoir tous ses attributs et ses noms. Et ne cesse d'avoir tous ses attributs et ses noms. Et là, il souligne une question, il sous-entend une question très importante lorsqu'il dit « Et ne cesse d'avoir tous ses attributs et ses noms, subhanahu wa ta'ala. » Donc, l'auteur dit « Walahu al-asma al-husna wa sifat al-ula » Comme Allah dit dans le Coran « Allahu la ilaha illahu lahu al-asma al-husna » C'est lui-même Allah qui dit dans le verset 8 de Sourate Taha, Allah dit, Allah, l'adoré véritable, nul adoré véritable si ce n'est lui, wa lahu al-asma ul husna. Personne pourrait te poser la question. Tu prétends que ton Seigneur a des noms sublimes. Mad dalil. Quelle est la preuve que ton Seigneur a des noms sublimes? Par exemple, c'est une question de base. Mais il est important de connaître les preuves. Là, par exemple, dans ce verset, on a la preuve. Allah le dit. Allahu la ilaha illahu lahu al-asma'u al-husna. Allah, nul adoré véritable si ce n'est lui, à lui appartient les noms sublimes. Subhanahu wa ta'ala. Wa ghayruha min al-ayat. Après, vous avez posé la question. Mais ça, c'est une notion de base. Mais malgré cela, une grande tendance émergente qui a émergé plutôt dans les premiers siècles qui a nié aussi bien les noms et les attributs. Car Allah n'a pas les noms sublimes, a nié comme Al-Jahmiya. Jahmiya ibn Safwan, lorsqu'il est apparu, a nié l'existence des noms, a réfuté cela, l'existence des noms. Ensuite, il a réfuté l'existence des attributs. Ensuite, lorsque sont apparus et ont émergé le Mu'tazila, ils ont suivi. Ils ont pris la croyance de la négation des attributs d'Allah, et ils ont dit par contre les noms, on les affirme, on les confirme. Enfin, Al-Jahmiya, eux, aussi bien les noms et les attributs, ils les ont niés, alors que les preuves sont claires et explicites. Et ces noms-là, Asma'u kulluha husna, ces noms-là sont sublimes, li annaha tadullu 'ala al-kamal, parce qu'elles indiquent la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa laha ma'anin جليلة فكل اسم منها يدل على صفة عظيمة من صفة الله جل وعلا فهي ليست أسماء مجردة وإنما هي أسماء لها معان عظيمة ولذلك سميت حسنى فالرحمن يدل على الرحمة والسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر والعليم يدل على العلم والحي يدل على الحياة إلى آخر الكلام وهي كلها صفات عالية وصفات عالية وليست صفات المخلوقين التي منها صفات ضميمة. نكتفي بهذا القدر. On va faire une pause, inshallah, de quelques minutes, et on commencera l'étude de Umdat al-Ahkam.